Arrêter la masturbation intellectuelle. Voilà le sujet que je vais aborder dans les prochaines minutes. C'est que pour intégrer réellement une conscience supramentale, la personne ne peut pas passer son temps à se masturber intellectuellement avec des mots en les réfléchissant. Donc, les mots ont une fonction et si la personne ne traite pas avec la vibration derrière mais les mots, mais s'attache à la forme que prennent les mots, ben là, elle peut tomber dans le piège de la masturbation intellectuelle qui va la couper d'une intégration réelle de la conscience de l'esprit pour la garder dans un état en relation avec une énergie astrale associée à la contemplation et la fascination de la forme. Et c'est sûr que c'est un piège qui guette tout individu qui peut toucher à une instruction aussi précise que celle supramentale. Et la problématique de la précision de l'instruction, c'est que plus qu'elle est précise en utilisant des mots qui sont clairs, qui sont judicieux, et plus il y a des gens qui peuvent avoir tendance à vouloir se masturber avec elle sur le plan intellectuel au lieu de l'intégrer. Parce que la base, le fondement de l'instruction supramentale, c'est d'être capable de vibrer et d'agir en conséquence. Pas vibrer quelque chose, le réfléchir puis se masturber intellectuellement au lieu d'agir. C'est l'essence. Mais c'est tellement simple que beaucoup de personnes vont s'égarer par rapport à ça. Moi-même, dans le passé, je me suis égaré. J'ai bénéficié d'ailleurs de certaines personnes qui m'ont confronté poliment avec courtoisie en ce sens pour me ramener dans le concret, me ramener vers l'action et ils ont bien fait. Récemment, j'ai eu un échange avec une personne qui m'a amené à vouloir de vous parler de ce sujet-là et de ce piège qui guette tout individu qui est confronté par rapport à des termes qu'il ne connaît pas, qui peut vivre une certaine forme d'attrait et sombrer dans une forme de fascination à l'égard des mots. Donc, au lieu d'intégrer la vibration derrière les mots, la personne devient fascinée par la forme, puis ce qui arrive, c'est qu'elle tombe dans le piège qui consiste à se masturber intellectuellement au lieu de vivre réellement la mise en vibration et passer à l'action en conséquence. Donc, récemment, une personne m'écrit un message par courriel. Et puis, cette personne me parle qu'elle vit une situation extrêmement difficile par rapport à son travail. Elle me parle qu'elle est présentement en burn-out, donc en épuisement professionnel. Elle vit un milieu avec des gens, selon sa description, qui sont vraiment horribles. Des gens qui lui créent des tensions, lui créent du stress, lui manquent de respect, et ainsi de suite. Donc, elle présente un tableau extrêmement sombre dans son message, puis je vibre un peu de l'intellectualité. En fait, j'en vibre beaucoup. Vous voyez, la parole s'ajuste dans son message, mais je prends le temps de lui répondre avec politesse, avec courtoisie, que si la personne vit une situation aussi difficile en milieu de travail, puis la personne me parle qu'elle est en arrêt de travail, ben dans le fond, face à une problématique de cette ampleur, il me semble approprié qu'elle consulte par exemple, un conseiller d'orientation, quelqu'un qui est spécialisé en lien avec le domaine du travail, la relation entre l'individu et le travail, qui va lui faire un coaching pour régler sa problématique. Donc, par la suite, j'y envoie ce message et là, je reçois sa réponse. Et c'est là que j'ai trouvé ça intéressant. Parce que la personne n'était pas contente que je lui suggère de consulter quelqu'un pour régler le problème qu'elle avait au travail. Elle, ce qu'elle voulait, c'est avoir une lecture pour réfléchir en fonction d'une vision supramentale des principes de l'amour, la volonté, l'intelligence sur sa problématique au travail. Donc, elle était curieuse d'avoir mon point de vue puis celui de Bertolt en relation avec le supramental, comme c'était une approche théorique pour regarder c'est quoi son problème. Alors que moi, ce que j'ai dit, ben, si vous avez un problème, ben, consultez quelqu'un pour le régler. Mettez-vous en action. Bougez. Mais non, la personne est en arrêt de travail et puis elle me dit qu'elle ne veut pas être aidée puis elle me décrit un problème extrêmement négatif qui l'a fait souffrir. Donc, autrement dit, elle veut rester dans l'inaction puis elle était juste curieuse au niveau intellectuel d'avoir un point de vue sur son problème. en relation avec le supramental, comme c'était une approche qu'on étudiait à l'université, comme celle de la psychanalyse ou celle cognitivo-comportementale. Donc, mais non, c'est pas comme ça. Le supramental, c'est pas une approche, c'est une vibration. Donc, il n'y a pas de jeu de réflexion par rapport à ça. Si la personne qui, premièrement, est confrontée à un problème, puis elle met en application un simple principe qui consiste à vibrer et agir, ben, la personne fait une lecture vibratoire par rapport à son problème. Si elle vit une difficulté au travail, est-ce que la vibration de continuer? Si oui, est-ce qu'elle a des ajustements vibratoires à faire? Puis elle regarde ce qui émerge en elle, puis elle se met en action par rapport à ça. Si c'est non, ben, elle se met en action pour chercher du travail ailleurs, puis elle suit la vibration dans ce sens-là. Mais elle ne passe pas son temps à réfléchir et surtout pas de me demander de dresser une espèce d'analyse supramentale comme si c'était un cadre conceptuel, puis là, par la suite, elle fait une comparaison, puis elle joue avec ça, tout en restant dans un état d'arrêt de travail. Donc, autrement dit, la personne, dans son message, je voyais que c'était un intérêt au niveau intellectuel, et probablement ce qui est arrivé, c'est que dans le cadre d'entretien que j'ai fait, entre autres, avec Berthold, on utilise un vocabulaire qui est très précis, et je sais que malheureusement, dans certains cas, ça peut occasionner un phénomène de fascination par rapport à certains individus qui écoutent des enregistrements. Et ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Moi-même, j'ai déjà tombé dans ce piège-là à quelques reprises où j'étais fasciné, entre autres, par des termes que Bernard de Montréal utilisait dans ses enregistrements. Mais avec le temps, je réalise de plus en plus les limites de cela. Et c'est sûr que la problématique, c'est que si on utilise un vocabulaire qui est précis, ça occasionne de la fascination, surtout que c'est très rare les gens avec lesquels on va parler sur la rue qui vont utiliser un vocabulaire qui est précis. Donc, mais il faut respecter sa vibration. Et c'est sûr que par la suite, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que premièrement, quand j'ai reçu le premier message, je vibrais que la personne, il y avait un côté intellectuel, réflectif dans sa démarche, elle utilisait beaucoup de beaux mots. Et par la suite, j'y ai répondu dans le sens que le référer à des ressources appropriées par rapport à sa réalité. Donc, la personne est en France. Ben, j'ai dit consulter quelqu'un dans votre environnement pour régler le problème. Mais là, par la suite, j'ai réalisé que son intérêt, c'était pas de régler le problème, mais c'était de se complaire dans son problème puis avoir la curiosité qu'on lui présente un point de vue supramental. Et c'est sûr que la personne voulait que j'amène à Berthold à se prononcer sur son cas, alors que j'ai clairement mentionné en bas des enregistrements impliquant Berthold que ce dernier a arrêté sa vie publique et sous aucun prétexte je vais entrer en communication avec lui par rapport à des gens sur Internet. Donc, ça, c'est un élément aussi important à préciser, parce qu'il y a des gens qui me semblent présentement découvrir le matériel, entre autres, de Berthold et avoir une curiosité à cet égard. Alors que l'essence est vibratoire. Donc, c'est sûr que là, je me permets de parler en québécois, parce que l'essentiel, peu importe les termes utilisés, c'est de vibrer puis d'agir. Donc, c'est pas de vibrer puis « Ah, je vais aller chercher un point de vue intellectuel supramental. » La personne peut aller chercher un point de vue de type psychanalytique avec l'approche qu'a développé Sigmund Freud. Puis la personne peut dire « Ah non, je vais aller chercher le point de vue de type psychanalytique, mais développé par Carl Gustav Jung. » Puis là, la personne va interpréter ses rêves d'une point de vue jungienne ou une point de vue freudienne ou peu importe. Et ça n'a pas de fin. Les gens peuvent analyser, puis pendant ce temps-là, ils s'enlisent dans le problème. Alors qu'en réalité, si la personne souffre réellement, puis elle a vraiment une volonté de changer, elle va se mettre en action pour le régler. Ce ne sera pas du pelletage de nuages, ce ne sera pas de la masturbation intellectuelle d'haute vertige qui va se faire. Donc, voilà l'essentiel. En réalité, lorsque les gens se masturbent intellectuellement, souvent, c'est parce qu'ils ont peur de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, une retenue astrale qui s'opère sur leur psyché. Donc, autrement dit, au lieu de vibrer puis d'agir, il y a une interférence astrale qui va vouloir les amener pour les retarder dans leur évolution, parce que plus que la personne reste avec un taux vibratoire qui est bas longtemps, et plus que l'astral peut avoir une assise sur l'individu. Donc, autrement dit, si l'astral réussit à détourner l'individu de lui-même, ben à ce moment-là, l'individu reste avec un taux vibratoire qui peut être en syntonie psychique avec des entités astrales qui vont chercher par tous les moyens possibles à la garder, cette personne-là, et la maintenir dans un processus réflectif interminable, comme une boucle d'un ordinateur qui vient de bugger, qui vient de planter, parce que pendant qu'elle est occupée à faire ça, ben elle ne bouge pas concrètement pour changer sa vie puis monter en vibration, puis atteindre un taux vibratoire qui va faire qu'elle ne pourra plus être influençable par le plan astral et qu'elle va être libre de la domination que ce plan de réalité peut avoir sur sa psyché. Et c'est ce qui permet l'émancipation psychique, pas la masturbation intellectuelle de haute voltige, bien entendu, mais souvent, il faut que les gens souffrent, baignent dans leur malrasse pendant un certain laps de temps. Et c'est sûr que cette situation m'a amené aussi à me déspiritualiser, dans le sens que, un peu à la manière d'un diplomate, alors que je percevais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans son premier message, je percevais le côté réflectif de la personne, bien, j'ai répondu avec politesse, courtoisie, qu'elle se réfère à des ressources, puis par la suite, j'ai vu qu'elle était pas contente de mon message, puis elle voulait une espèce d'analyse supramentale. Et là, j'ai expliqué que le supramental, c'est quelque chose que tu vibres, que tu vis, c'est pas un jeu avec ça au niveau théorique, une approche. Donc, on joue pas avec des concepts. Et là, c'est sûr que la personne m'a pas réécrit par la suite, puis c'est bien parfait parce que c'est ce que je voulais. Mais ça m'a donné une mesure que, à quelque part, beaucoup de gens, en réalité, vivent avec certains niveaux de problèmes, mais qui font pas assez de souffrance au sein d'elle pour qu'elle opère réellement un changement et qu'elle préfère rester au niveau de la réflexion. Et ça amène la personne à connaître ce qu'on appelle de la procrastination. Il y en a qui sont pro là-dedans, dans le sens que c'est des professionnels pour remettre à plus tard ce qu'ils doivent faire maintenant. Et plus qu'on avance dans l'intégration vibratoire, et plus qu'on peut bouger rapidement. Et c'est sûr que cette interaction avec cette personne m'a réalisé l'importance de la minute que je perçois qu'un mouvement réflectif dans la personne, de ne pas le nourrir ou de d'écrire abondamment dans l'optique de régler quelque chose que je sens que c'est pas ce que la personne va faire. Donc, autrement dit, il faut limiter les pertes d'énergie. Et c'est sûr que les gens dans le passé qui m'ont confronté, parce que des fois, j'avais tendance à être réflectif puis faire preuve de la procrastination, n'étant pas parfait, c'est des personnes qui m'ont beaucoup aidé. Et c'est sûr que sur le coup, ça a été confrontant, mais aujourd'hui, je suis obligé d'admettre et reconnaître l'intelligence qu'ils ont eue, de remettre les pendules à l'heure. Donc, c'est sûr que comme beaucoup d'êtres humains, cette personne-là me faisait penser à moi aussi, donc de remettre à plus tard ce qu'il y a à faire, puis c'est de bouger rapidement, puis de pas réfléchir, même si ça crée des tensions, pour pas se laisser soumettre sous l'influence astrale qui nous empêche d'être nous-mêmes, et qui nous garde sous l'influence de la peur. Et c'est sûr que j'apprécie, entre autres, un de mes amis, qui est entraîneur, qui m'a confronté pour que je bouge concrètement dans la matière. Il m'a fait faire de la boxe, Olivier, et aussi autre chose. Dans le sens que, je vais vous donner un exemple concret, j'ai été, à un moment donné, en salle d'entraînement. Et puis, je soulevais 90 livres avec les jambes. Donc, j'étais assis dans un appareil, une machine, et je poussais les pieds vers le haut avec une charge de 90 livres. Et je forçais un peu, mais lui, il percevait que je pouvais aller plus loin. Donc, à ce moment-là, il a dit, on va augmenter la charge, puis on va la doubler. On va mettre 180 livres. Et là, quand il m'a dit ça, c'est sûr que ça m'a créé une tension. Mais j'avais la vibration que c'était ajusté. C'est sûr qu'il est entraîneur depuis plusieurs années, il sait c'est quoi le dosage. Et j'ai passé à l'action. J'ai soulevé avec les jambes le 180 livres. C'est sûr que j'ai forcé, j'ai transpiré, mais je me suis pas blessé non plus. Ça aurait été 300 livres, peut-être je m'aurais blessé les genoux, qui est impliqué dans un mouvement du bas vers le haut de l'élancement des jambes avec la charge en machine d'une manière fixe. Mais ça fonctionnait. Puis avec le temps, j'apprends à m'engager dans des mouvements en n'ayant pas de réflexion. Dans le sens que là, j'ai peut-être réfléchi quelques minutes, peut-être deux minutes avant d'accepter la proposition d'Olivier. C'est un entre-deux. Dans le passé, ça se peut que je m'aurais fermé et j'aurais dit non. Je le fais pas, je l'essaye pas du tout. Fermeture totale. Là, je suis d'accord pour aller un peu plus loin, mais il y a une espèce de période de réflexion qui était là. Ça a duré pas longtemps, là, parce que je me suis pas empêché de le faire. Puis, je l'ai fait. Mais c'est sûr que la prochaine étape, on me demande quelque chose, c'est la vibration, j'agis. Donc, je laisse aucune place à la réflexion qui peut générer, dans certains cas, une forme de masturbation intellectuelle. Quel piège qui guette toute personne sur le sentier de l'éveil, parce que si la personne est moindrement en contact psychique avec l'astral, l'astral va chercher à maintenir son emprise par rapport à elle, en l'amenant à vibrer à de la peur, pour l'empêcher de se mettre en action puis monter en puissance. Parce que si, par exemple, quelqu'un fait un mouvement d'entraînement qui est beaucoup plus important en termes de poids soulevé que ce qu'il faisait, ben il augmente en puissance. Quelqu'un qui, au lieu de soulever 90 livres, il en soulève 180, ben automatiquement, ses muscles deviennent plus forts. Donc, il est capable de faire preuve d'une plus grande force musculaire qui va l'amener à composer d'une manière plus intelligente face à des oppositions que représentent les charges à soulever. Donc, ça l'amène à développer de la volonté. Et si on développe de la volonté dans la matière, ben on peut développer aussi en parallèle de la volonté dans notre rapport à l'esprit et aussi aux entités astrales. Tout est interrelié. Donc, autrement dit, si quelqu'un développe, entre autres, une volonté en s'entraînant fortement sur le plan physique, ben, simultanément, la personne peut être appelée à développer une volonté d'une amplitude parallèle sur le plan psychique pour composer avec des réalités invisibles. Donc, c'est sûr que l'essentiel de mon propos vise à réaliser à quel point l'un des pièges importants qui guette les gens qui s'éveillent, ben, c'est la masturbation intellectuelle et la complaisance. C'est sûr que j'en parle, je prétends pas être libre de toute forme de masturbation intellectuelle, bien au contraire. D'ailleurs, la visée d'aborder ce sujet présentement, c'est de poursuivre mon intégration de l'importance de mettre fin à ce comportement à mesure que je le vois se manifester à moi pour être de plus en plus ajusté avec l'esprit puis rester en contact avec lui puis se maintenir dans un état d'ajustement. Donc, de s'écouter parler en utilisant des termes techniques issus du mémorial de Bernard de Montréal et être dans le théorique plutôt que dans la manifestation d'une vibration pour s'occuper dans une vie qui est agréable sur le plan pratique et d'être bien dans sa peau, ben, c'est une perte de temps. Ça reste du pelletage de nuages. Donc, c'est de l'astralisation de la conscience supramentale au lieu d'un véhicule intégral de ce dernier par rapport à une intégration dans la matérialité.